Galaxy Pop, c'est bien comme un verre avec les copains. Galaxy Pop. Vous avez soufflé sur la cartouche, c'est bon ? Alors, bienvenue dans Nostalgique, le podcast qui redonne vie aux jeux qu'on pensait oublier. Allez, appuyez sur Start, on y va. Noël 1998. Je me souviens comme si c'était hier. Ce Noël-là, j'avais deux cadeaux précieux sous le sapin. Deux jeux Nintendo 64. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, bien sûr, et Space Station Silicon Valley. C'était une période un peu particulière. Je travaillais dans la boulangerie familiale pour me faire un peu d'argent de poche, et Noël, c'est toujours la folie dans le magasin, les commandes, les clients, les bûches, le stress. Alors, mes moments de jeu étaient rares, volaient autant. Je n'avais souvent que 30 minutes le matin, juste avant que la boulangerie ouvre, pour lancer la console et plonger dans cet univers étrange. Et puis le soir, fatigué, rincé, je reprenais la manette comme un petit rituel suspendu. Je pense que Space Station Silicon Valley est l'un des rares jeux que mes parents m'ont offert pour ma N64. Pas forcément le plus connu, ni le plus tapageur, mais c'est justement ce qui le rendait spécial. Ce jeu, c'était un cadeau. Un monde à part, un souffle d'air frais dans la console. Et surtout, un souvenir ancré dans ces moments un peu suspendus entre travail, fatigue et cette petite bulle d'évasion qui faisait tenir jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, avec le recul et en y repensant, je me dis que c'est peut-être ça aussi, la magie du rétro. Ces fragments de vie, ces petites fenêtres temporelles que ces jeux ouvrent pour nous et qu'on peut toujours revisiter. Derrière Space Station Silicon Valley, il y a un studio un peu à part dans l'histoire du jeu vidéo, DMA Design. Peut-être que ce nom ne te dit rien, mais ce studio écossais, c'est un peu le berceau des grandes aventures vidéoludiques. Ils sont notamment les créateurs de Lemmings, ce puzzle game devenu culte et qui a marqué les années 90. En 1998, DMA Design est en pleine transition. Ils viennent de sortir sur Nintendo 64 un autre jeu très ambitieux, Body Harvest. Un jeu d'action-aventure qui mélange open world et science-fiction avec une approche assez novatrice pour l'époque. Body Harvest et Space Station partagent cette volonté d'explorer des univers et des mécaniques nouvelles loin des sentiers battus. C'est aussi un moment charnière pour DMA Design car dans les années suivantes, ils deviendront Rockstar North, le studio en partie derrière Grand Theft Auto et son succès, une autre révolution du jeu vidéo mais d'un tout autre calibre. A l'époque, la Nintendo 64 peine encore à trouver son rythme face à la concurrence et au choix de la cartouche, mais DMA Design ose miser sur l'originalité et l'innovation. Space Station Silicon Valley sort donc dans un paysage où il faut se démarquer avec ses mécaniques et son univers décalé. Un pari un peu risqué, mais qui fera néanmoins toute la richesse du jeu. Mais au-delà de son univers et de son studio, ce qui rend ce Silicon Valley vraiment spécial, c'est son gameplay. Plutôt que de simplement contrôler un personnage unique, le jeu nous met dans la peau d'une microchip, un microprocesseur quoi, qui doit posséder une variété d'animaux robotiques. Chacun de ces robots a sa propre capacité. Certains sautent haut, d'autres volent, d'autres encore peuvent charger ou nager. Cette mécanique donne au jeu une richesse incroyable et une diversité qui pousse à l'exploration et à la créativité. Voyons donc cela d'un peu plus près. Ce qui distingue donc Space Station Silicon Valley dès les premières minutes, c'est cette idée simple mais géniale. On ne contrôle pas un héros, mais la micropuce intelligente. Et cette micropuce peut s'installer dans une armée d'animaux robotiques, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Ce que j'adore vraiment, c'est ce sentiment de découverte à chaque nouveau robot. Tu débarques dans un niveau et là, bam, tu trouves une nouvelle créature à, entre guillemets, posséder. Et tu te demandes tout de suite, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont ses capacités, ses limites? Et pourquoi on me l'a mis là? Peut-il sauter haut, voler, nager, charger, etc. Chaque nouveau robot est une petite énigme en soi et une nouvelle clé pour avancer. Le level design exploite intelligemment cette mécanique. Tu dois souvent choisir quel robot utiliser pour franchir des obstacles, résoudre des énigmes ou combattre des ennemis, ma foi peu nombreux. Par exemple, certains passages nécessitent de voler, d'autres de détruire des objets. D'autres encore d'explorer des conduits étroits. Et ce patchwork de style rend l'aventure dynamique et surprenante, on ne s'ennuie jamais. C'est aussi un vrai casse-tête pour le joueur qui doit apprendre à maîtriser chaque robot et comprendre ses limites et ses spécificités. Et puis, il y a cette sensation de progression. À mesure que tu découvres de nouvelles créatures à posséder, chaque fois un petit bout de liberté et d'ingéniosité supplémentaire. Ce gameplay est une sorte de métaphore. Dans cet univers, la capacité à s'adapter, à changer de peau, est la clé de la survie, un peu comme dans la vraie vie en fait. Mais attention, malgré sa variété, le jeu n'est pas toujours facile, la précision des contrôles varie selon les animaux, et la moindre erreur peut coûter cher. Je me rappelle encore avoir passé des heures à dompter certains robots, à retenter les niveaux encore et encore, un peu comme un puzzle qui ne lâche pas tous ses secrets facilement. Et tiens, au sujet des secrets, il y a un petit mystère technique autour du jeu, un bug bien connu appelé le Fatbear Mountain Trophy Bug. Dans toutes les versions du jeu, le trophée du niveau Fatbear Mountain ne peut pas être collecté normalement, car sa hitbox, la zone qui permet de le toucher, a été réglée à zéro par erreur. Concrètement, tu passes au travers sans jamais pouvoir le ramasser et c'est extrêmement frustrant. Heureusement, ce bug peut être corrigé avec les codes GameShark qui rétablissent la hitbox à une taille normale, permettant enfin de récupérer ce trophée. Tout le monde n'a pas une Game Shark, et c'est quand même dommage. Ce genre de bug rappelle bien que l'époque des cartouches avait ses limites techniques et que même les jeux les plus originaux pouvaient garder des petites imperfections, ce qui les rend encore un peu plus mystérieux. Pas de patch à télécharger à l'époque. À l'époque, on achète un jeu terminé. Avec tous ces personnages, pas comme ce putain de Street Fighter V. Bref, je m'égare. Bref, Space Station Silicon Valley est une vraie ode à la créativité ludique et à la diversité des expériences dans un seul jeu. Après avoir exploré la richesse du gameplay, impossible de passer à côté de l'ambiance si particulière de Space Station Silicon Valley. C'est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui ne manque pas de charme pour autant. Entre ses graphismes colorés, son univers un peu fou et surtout son humour décalé soap british, il réussit à créer une atmosphère vraiment unique. Sans parler de sa bande-son qui balance entre effets électroniques futuristes et mélodies accrocheuses, parfaitement en accord avec cette station spatiale un peu loufoque. Plongeons donc maintenant dans cette ambiance qui donne au jeu toute sa saveur et son caractère. Ce qui frappe dès les premières secondes, c'est cette ambiance à la fois futuriste et légèrement décalée. Le jeu ne se contente pas d'être un simple action plateforme. Il construit un univers, une vraie station spatiale, mais qui semble parfois sorti d'un cartoon un peu fou. Une sorte de mélange entre Super Mario et Wallace et Gromit. Graphiquement, c'est coloré, lumineux, avec des designs de robots qui flirtent entre le mignon et le rigolo, mais c'est surtout dans l'humour que le jeu marque des points. Que ce soit dans les animations exagérées des animaux robotiques, leurs petits bruits rigolos, ou encore les situations loufoques que l'on peut rencontrer, il y a une vraie légèreté qui fait du bien. On sent que les développeurs se sont fait plaisir en jouant sur les clins d'œil, les exagérations et un ton qui ne se prend jamais trop au sérieux. Et je crois que c'est sans doute cette fraîcheur, ce côté un peu fun et accessible qui a poussé mes parents à choisir ce jeu plutôt qu'un autre. Et parce que de toute façon, Zelda s'était déjà pris par ma grand-mère ce Noël-là. La bande-son est donc un autre pilier de cette ambiance. Elle mêle son électronique, futuriste, bip, clickety et musique entraînante, parfois avec une touche un peu funky ou jazz qui colle parfaitement à l'atmosphère. Ces musiques participent à créer un sentiment d'immersion tout en gardant cette fraîcheur, ce côté jeu rétro déjà, mais vivant. Je me rappelle encore certaines mélodies qui me sont restées en tête bien longtemps après avoir posé la manette. En somme, Silicon Valley est un savant mélange entre gameplay innovant, univers visuel singulier et une ambiance sonore qui donne vie à tout cela avec cohérence et ce petit grain d'humour qui fait toute la différence. Et c'est ce cocktail qui rend ce jeu si attachant même après toutes ces années. Quand Space Station est sorti en 1998, la critique spécialisée lui a réservé généralement un accueil positif. Les journalistes saluaient son originalité, sa créativité et son gameplay varié. Dans le magazine X64 par exemple, que je lisais tous les mois, le jeu reçoit un joli 91% avec des compliments appuyés sur l'inventivité du concept et la variété des situations. C'est un des rares jeux testés ce mois-ci qui n'essaie pas de copier les autres et c'est rafraîchissant et ça se sent, ça a été apprécié. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres magazines aussi, comme Nintendo Life plus tard, ont souligné le ton bizarre mais joyeux du jeu et son plaisir de jeu toujours intact. Pourtant, malgré ses louanges, le jeu n'a jamais vraiment percé auprès du grand public. Plusieurs raisons expliquent sans doute cette relative discrétion. D'abord, la Nintendo 64, même si elle est techniquement impressionnante, avait un catalogue souvent dominé par quelques mastodontes, hein, Mario, Zelda, GoldenEye, qui ont éclipsé beaucoup d'autres titres. Et puis ensuite, la Nintendo 64 n'a pas été la console la plus vendue ni mise en avant du moment, faut bien le reconnaître. Et ensuite, Space Station Silicon Valley est sorti dans une période assez chargée où la concurrence était féroce et où il fallait parfois un gros marketing pour se faire une place, surtout face à Zelda Ocarina of Time. Et pour finir, le choix de l'exclusivité Nintendo 64 limitait la capacité d'accueil des jeux, ce qui freinait certains projets ambitieux. Et pour finir, son univers un peu décalé, son humour spécifique et ses mécaniques originales ont sans doute freiné une adoption par une plus large partie du public. Ce n'est pas un jeu facile à catégoriser ni à vendre en masse. Design trop enfantin pour des ados et énigmes trop complexes pour les enfants. Pourtant, avec le temps, ce jeu a trouvé son public, une petite communauté de passionnés qui voient en lui une véritable pépite, un joyau caché dans la ludothèque Nintendo 64. un jeu qui récompense la curiosité, la patience et surtout la créativité du joueur. Et aujourd'hui, ce que j'aime plus que tout, c'est le faire découvrir à mes gosses. Leur montrer ce jeu que j'ai eu un matin de Noël, fatigué à la boulangerie, en overdose de bûches, les yeux à moitié fermés mais le cœur grand ouvert. Voir leur tête quand ils découvrent qu'ils peuvent contrôler un chien volant armé d'une mitrailleuse ou un chameau canon, c'est pour le moins magique. C'est ce genre de moment qui me rappelle pourquoi ces jeux me tiennent autant à cœur. Et Space Station Silicon Valley, malgré ses défauts, malgré son petit bug planqué à la montagne Fat Beer, ce trophée invisible qu'on peut traverser sans jamais le ramasser à cause d'une hitbox mal réglée, reste un jeu que je garde précieusement dans ma mémoire et ma ludothèque. Parce qu'il a pas juste occupé mes soirées et rivalisé avec Zelda ce Noël-là. Il m'a accompagné, et maintenant il accompagne plus ou moins mes enfants. Il y a des jeux comme ça, qu'on ne choisit pas, ils arrivent dans nos vies par hasard. Un cadeau, un nom un peu bizarre sur une cartouche, un visuel attrayant, intriguant. Et puis on y joue et on découvre, et quelque chose se passe. Space Station Silicon Valley, c'est pas juste un jeu que j'ai eu à Noël parmi tant d'autres. C'est un souvenir en pixels, un espace étrange que j'habitais pendant quelques semaines entre deux fournées de pain et des bûches au chocolat. Un de ces titres qui ne crie pas très fort mais qui reste, parce qu'ils ont leur propre voix. Et si aujourd'hui je vous en parle, c'est peut-être parce que j'ai encore envie d'y croire. À ces jeux oubliés, à ces aventures qu'on partage, à cette petite étincelle qu'on sent encore quand on souffle sur une vieille cartouche. C'est assez drôle comme certains jeux finissent par nous ressembler. Space Station Silicon Valley, c'est un jeu de transformation, d'adaptation. On y change de forme pour avancer, on s'essaye à autre chose à chaque niveau, à chaque instant. Et moi, des années plus tard, je continue à faire pareil. Je change de voix, de format, de sujet, parfois même de métier, mais toujours avec cette envie de transmettre. Transmettre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai appris, les souvenirs qui m'ont construit. Et ce jeu-là, modeste et bizarre, m'a appris qu'on peut être curieux, différent, un peu bancal, et que ça peut suffire à laisser une trace et pas juste une trace de pneu. Alors, si toi qui écoutes, tu as connu ce jeu, ou si tu ne l'as jamais lancé, peut-être qu'il est temps de le découvrir ou redécouvrir. Ou même de le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Parce que ces jeux-là, c'est comme des histoires qu'on raconte au coin d'un feu. Elles prennent vie à chaque fois qu'on les partage, et moi, j'ai encore plein d'histoires comme celle-là en réserve. Le Game Over, c'est juste un prétexte pour recommencer. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, tout ça, tout ça. Nostalgique, c'est le rétro à cœur ouvert. À bientôt! Approchez-vous, petite âme curieuse. Venez donc vous asseoir près du feu. Il ne réchauffe pas, mais il se consume doucement. Ici, dans les profondeurs de Galaxy Pop. Je suis votre hôte. On m'appelle la Crippe. Et chaque mois, je vous sers un petit festin sonore. Une histoire courte, une creepypasta, mijotée à l'ombre, narrée avec amour et un zeste de sang. Ce n'est pas moi qui parle, non ? Pas tout le temps. Chaque histoire est racontée par une voix différente. Un invité exceptionnel, égaré dans mon caveau, qui n'a plus qu'une chose à faire. Vous glacer le sang. Alors, si vous aimez les histoires qui rampent, les bruits dans les murs, les chuchotements dans la nuit, venez écouter les potes de la crypte, un podcast mensuel. Chaque mois, une nouvelle victime. Une nouvelle voix. Vous êtes prévenus. Ici, le monstre, c'est peut-être celui qui écoute. Les potes de la crypte, chez Galaxy Pop. Une fois par mois, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. T'es encore là ?